voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont, ils ne savent pas qu'ils sont. Il fait glacial dans la pièce. Une voix m'appelle, me crie à l'aide. Une lourde atmosphère m'oppresse. Je ne contrôle plus mes gestes. Mais je m'empresse de prendre cette plume d'une main ferme et de gratter ce texte. Est-ce donc un test ou une malédiction? J'ai des pulsions, n'entends plus que le son de ces voix dans ma tête. Rien ne m'arrête en transe face à ce phénomène. Sous son influence, j'emprunte le même chemin que mes mots prennent. J'arpente les sentiers obscurs de mon esprit. Ausculte-moi vite, je n'ai plus l'impression d'être en vie. J'erre dans le vide. Y'a un drôle d'air dans ce verre. Un frisson me parcourt, ouais, des démons se dansent dans le verre. Une connivence est née entre cette année et moi. J'en ai gratté toutes ces années, mais pas autant que ces derniers mois. Les phénomènes s'accentuent, sans même que je sature. Mais j'en ai l'habitude, t'inquiète, ça fait 12 ans que ça dure. Et tu envoies sous les dieux. J'ai la porte des sons sous l'emprise d'une possession. Je n'ai pas la bonne potion, des esprits s'invitent à chaque hypobsession. Il me pose des tas de questions, au début j'avais trop de pression. Mais j'ai su dompter la prod au fil de mes introspections. Ils ne me lâchent pas, je vois sans cesse leur visage pâle. Et quand je parle, c'est leur voix qui dicte mes messages. Je pars à la découverte du royaume des ombres. Chaque page d'une escalade, j'agrandis ma carte du monde. Bercé par cette prod macabre, j'ai trop de blackouts là. Réalité m'échappe, mais je te jure que je m'éclate là. Gorge glaciale et dents claquent quand je débarque au mic. Une hospitalière et la cave quand je me mélange ses âmes. Ouvre-toi ses âmes, se change en des yes. Check, quand je vois nos fiches, je comprends pourquoi c'est la mort qu'on respecte. Et ouais, y'a que ça vrai, pas que j'y sois prêt. Je garde la tête loin du coup près, mais tu peux l'entendre dans ce couplet. Et ouais, la mort me parle, je l'ai connue trop tôt. Je ne compte plus mes larmes, elle m'a fait couler beaucoup trop d'eau. Moi, comme ses larmes, je n'ai qu'un stylo. Et c'est au milieu de ces ectoplasmes que je me délivre de mes mots. Je plane au milieu de tous ces êtres incorporels. Tu sais, ici les corps de rêve comme les corbeaux crèvent. Aucun d'entre eux ne s'élève terni par un décor funeste. Mais c'est étrange en fait, tout ceci me rappelle la terre. On fait des phases vides d'émotions quand ils passent. Te frôles, polaires sont les sensations, ils n'en ont peut-être pas l'air. Mais la vie est en eux quand je vois ce qu'ils en font. Je me demande vraiment à quoi ça sert. Cette terre me fait parfois penser à un autre monde. Il n'est pas rare que je la vois passer outre tombe. J'utilise ma voix au fond pour assembler les âmes perdues. Mais là je perdure sur les sentiers de la perdition. Et ça me fait froid dans le dos. Je le ressens jusqu'à l'os. À chaque fois que je rappe dans ce dôme, j'afflige des douleurs plus qu'atroces. C'est un exorcisme en direct. Depuis cette colline en hiver sans âme, j'accumule les vers et corrige les faussaires sans âme. Pas de religion dans le constat de ces drames. Beaucoup avant le tunnel maigrit déjà de 21 grammes. Chaque soir je m'endors avec une sensation étrange. Je communique avec le mort, l'homme m'a donné un sixième sens.